Isanganiro. Alain Désiré, Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. L'administrateur de la commune Manda, province de Bobanza, a décidé ce jeudi que toute personne qui cherche un service doit délivrer un récépissé attestant qu'elle s'est fait enrôler pour les prochaines élections. Une mesure également prise par l'administrateur de la commune Ouyengiro en province Rumonge. Vous entendrez la réaction du ministre en charge de l'Intérieur. Trois associations ayant perdu des enfants brûlés vifs à Kibimba, en commune Guéta de la province Gitega, plaident pour le dépôt des gerbes de fleurs au mémorial de Kibobo. En éducation, la Confédération des syndicats Kosesona demande avec insistance au gouvernement de la République du Burundi la révision du système éducatif burundais. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La dernière tranche de paiement des agents recenseurs interviendra à partir de la semaine prochaine. Annonce faite par Nicolas Ndayishimiye, président du bureau central de recensement à Bessère. C'était lors d'un point de presse ce samedi. Ce responsable a indiqué que ce retard a été causé par certaines irrégularités, comme des agents recenseurs ayant perdu des équipements, ce qui a nécessité des vérifications pour s'assurer que tout est en ordre. Suivez. Cette opération ayant mobilisé près de 18 000 agents de terrain de bureau et ayant été réalisé dans un temps relativement court, a connu des succès en termes de couverture suite au dévouement dont a fait preuve tout le personnel affecté à cette mission, jusqu'à ce que près de 100% des ménages soient recensés au cours de ce dénombrement. Déconforté par ces résultats, le Comité national d'orientation du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, SENOR, en sigle, a instruit le bureau central du recensement à procéder au paiement de la dernière tranche à tout le personnel en ordre conformément aux termes du contrat. Au même moment, le BCR continuait à recevoir beaucoup de cas de réclamation observés après paiement des frais de transport et ou de l'avance. L'analyse de ces cas de réclamation a permis au BCR de desserrer de multiples irrégularités dont les principales sont les suivantes. Des cas de tricherie de certains agents possédant plus d'un numéro de compte bancaire dans différentes institutions financières et réclamant ne pas avoir perçu les avances ou frais de déplacement alors que ceux-ci ont été payés sur l'un de leurs comptes. Des problèmes d'octroi des numéros de compte par certaines institutions financières où plusieurs agents pouvaient partager un même numéro. Des cas de remplacement dû à des systèmes en pleine activité ayant perturber la stabilité des listes du personnel de terrain. Et enfin, des cas de perte de matériel constatés lors de la remise de ce dernier. Face à ces défis, et sans en avoir informé le SENOR, le BCR a arrêté une stratégie permettant d'avoir une solution appropriée en liant à chaque personne son unique identifiant opérateur ID en sigle qu'il lui avait attribué pour la bonne conduite du dénombrement. Ce processus de vérification a pris suffisamment de temps, car l'information devrait remonter de la base jusqu'au BCR, c'est-à-dire de l'agent recenseur, au chef de district, au contrôleur, au superviseur et au BCR. Il importe de signaler que dans certaines communes, les listes conçues selon cette approche ont été finalisées et transmises au BCR ce vendredi 25 octobre 2024. De plus, le BCR devait s'assurer que tout agent est en ordre par rapport au matériel utilisé sur terre qu'il est tenu de remettre pour d'autres fins ultérieures. Le BCR voudrait tranquilliser le personnel de terre que le paiement de la dernière tranche interviendra à partir de la semaine prochaine. Le BCR voudrait également demandé aux banques et institutions financières hébergeant les comptes du personnel ayant travaillé pour le dénombrement principal, disait de la bonne collaboration pour réserver une priorité dans le traitement de ce dossier. Politique à présent, le parti CNL trouve que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a privilégié le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la mise en place des agents en charge de l'enrôlement des électeurs. Le président du parti CNL, Nestor Giroukouichaka, s'inscrit en faux contre ce qu'il qualifie d'intolérance politique matérialisée par la démolition des permanences de ce parti dans différents coins du pays. Suivez. Le parti CNL rencontre pas mal d'obstacles relatifs aux agissements abusifs de certains administratifs à la base et à l'excès de zèle de certains responsables et militants à la base du parti au pouvoir, ce qui constitue un blocage et un empiétement aux libertés politiques pourtant consacrées par la Constitution de la République du Burundi. Le parti CNL est également inquiet de la recrudescence de l'intolérance politique traduite par le vandalisme des permanences du parti CNL, comme celle de Giharo et de Matana, pour ne citer que celle-là, des intimidations et menaces verbales de toute forme à l'endroit des militants du parti CNL. Le parti CNL est profondément préoccupé par l'absence de collaboration qui a caractérisé la mise en place de la CENI et de ses démembrements, je cite, les CEPI et les CECI, qui n'a été ni transparente ni équitable. Pour rappel, le parti CNL n'est pas représenté au niveau national et le parti CNL n'a eu que 5 sur 52 membres au niveau des CEPI et 24 membres sur 294 membres au niveau des CECI. Ainsi, la CENI devrait tenir compte de la diversité politique non biaisée lors de la mise en place de ces démembrements au niveau des provinces et des communes. Cette absence de transparence et d'équité est un signe de mauvais augure qui entache la crédibilité de la gestion du processus électoral. Or, ce ne sont que les élections transparentes qui produisent les résultats crédibles et c'est à travers les résultats crédibles qu'on obtient des dirigeants légitimes. Toute personne qui va à la commune pour chercher un service quelconque doit d'abord délivrer un récépissé attestant qu'elle s'est fait enrôler pour les prochaines élections et désormais la carte nationale d'identité sera délivrée sans aucune condition. Ce sont les mesures prises par l'administrateur de la commune Manda dans un communiqué sorti ce jeudi. Dans le même document, Nadine Nibitanga demande aux administratifs sur les collines et aux forces de l'ordre d'aider dans son travail, Spécie Caritas Cabanyan. Dans son communiqué signé ce jeudi par l'administrateur de la commune Manda, cette autorité rappelle à la population le travail d'enrôlement tout en déplorant le fait que les effectifs et des gens qui se font enrôler sont encore bas et que le délai d'enrôlement de 10 jours qui a été donné du 22 octobre cette année au 31 octobre peut se terminer sans que toute la population autorisée à participer aux élections ne se fasse enrôler et que l'enrôlement n'est pas une volonté individuelle, mais plutôt une obligation, comme ça se lit dans son communiqué. L'administrateur Nadine Nibitanga, c'est ainsi que l'administrateur Nadine Nibitanga a pris les mesures suivantes. Toutes les personnes qui cherchent un service quelconque à la commune doit d'abord montrer un récépissé attestant qu'elle s'est fait enrôler pour les prochaines élections. Et désormais, la carte nationale d'identité dans cette commune est délivrée sans aucune condition pour faciliter aux demandeurs de se faire enrôler. L'administrateur Nadine Nibitanga, dans son communiqué, demande aux administratifs sur les collines et aux forces de l'ordre d'aider dans son travail, comme ça se lit dans le même communiqué, et elle met en garde toute personne qui ne va pas respecter ces mesures ou qui va à l'encontre de son travail qu'elle sera sanctionnée conformément à la loi. Les habitants de cette commune contactés apprécient les mesures prises par l'administrateur et expliquent que ça va augmenter les effectifs des gens qui se font enrôler. Spécialité Scaragnana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci, Espèce Caritas Kabanyana. Une telle mesure a également été prise par l'administrateur communal de Buyengero à travers un communiqué de ce vendredi. Etienne Havdarimana a indiqué que toute personne en âge de voter n'aura aucun document administratif délivré par la commune Buyengero en province Rumonge sans avoir délivré un récépissé attestant qu'elle s'est fait enrôler. Il a même précisé qu'une telle personne n'aura pas le droit de saisir ni les médiateurs collinaires, ni la justice ou toute autre instance. Le ministre de l'Intérieur a annoncé à la radio-télévision Isanganiro qu'il a ordonné aux administratifs d'arrêter des stratégies pouvant amener le peuple à se faire enrôler massivement. Certes, il est interdit de malmener ou violenter une personne arguant qu'elle ne s'est pas fait enrôler. Martin Niteretse indique que ce qui importe est de terminer à temps cette activité. Le ministre de l'Intérieur fait savoir qu'une réunion d'évaluation est prévue lundi prochain en province Muramvya et qu'il sera également question d'évaluer les stratégies déjà adoptées par les administratifs et les améliorer le cas échéant. L'enrôlement des électeurs est organisé du 22 au 31 de ce mois d'octobre. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition. Trois associations ayant perdu des enfants brûlés vifs à Kibimba, en commune Gueta de la province Gitega, demandent la compréhension et au chef de l'État d'autoriser le dépôt des gerbes de fleurs au mémorial de Kouibobo. Dans une correspondance lui envoyée le 9 octobre cette année, ces organisations disent avoir prévu cette activité ce samedi 26 octobre pour décaler du 21 octobre. Terence Mouchano, vice-président et porte-parole de l'association ACG Génocide Chirimoso, regrette qu'aucune réponse ne leur a été donnée. Suivez. Les trois associations, l'association AC Génocide de Chirimoso, l'association des parents des victimes, des élèves brûlés vifs à l'Holocauste de Kibimba, l'association des élèves rescapés de Kibimba, venons de transmettre, d'écrire une correspondance adressée au chef de l'État en date du 9 octobre 2024, lui demandant une compréhension. Un esprit compréhensif. Les trois associations avaient demandé depuis 2020 jusqu'en 2024, avaient écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander en premier lieu de nous autoriser d'aller rendre hommage aux élèves tués sauvagement le 20 octobre 1993. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. Et par conséquent, nous nous sommes décidés cette année d'écrire à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, de nous autoriser d'y aller, nous incliner. Pourquoi on a écrit au chef de l'État? Qui paie le plus, paie aussi le moins. C'est lui, le chef de tout le peuple. Il doit protéger. Il a un mandat, il a un pouvoir, il a le devoir de protéger tout le monde. Il doit éviter la politique de deux poids, deux mesures. Nous observons le plus souvent, par exemple, le collectif des associations Hutu qui sont autorisées d'aller s'incliner à l'université. On l'a même érigé en mémorial pour eux. On ne comprend pas pourquoi alors on interdit les associations qui ont perdu leurs enfants Tutsi d'aller leur rendre hommage. Nous supposons l'adage français qui dit dans cette lettre qu'on lui avait adressée le 9 octobre 2024 et que jusqu'à cette heure-ci, nous n'avons reçu aucune réponse ni favorable ni défavorable. Et pour nous, au lieu de dire que l'adage français qui dit que nos deux mots consent, nous constatons au Burundi que celui qui nous dit mots ne consent plus. Nous demandons qu'il y ait l'équité. Si on autorise les parents, si on autorise les frères, si on autorise la population d'aller rendre hommage à ses enfants, c'est-à-dire que le gouvernement serait peut-être en attente de réconcilier le peuple. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment cette attitude est réconciliatrice? Au cours de l'émission publique des porte-parole des institutions récemment tenues au chef-lieu de la province de Bururi, Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a appelé ces organisations à s'entendre avec l'administration de cette localité. Il explique que personne ne leur a interdit d'exercer leur devoir de mémoire. Et pour rappel, 150 élèves d'ethnie Tutsi ont été brûlés vifs à Kibimba le 21 octobre 1993, juste après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Éducation à présent, la Confédération des syndicats Kosesona demande avec insistance au gouvernement de la République du Burundi la révision du système éducatif burundais. Annonce faite par Victor Ndabaniwe ce vendredi à Ngozi, président de cette confédération lors de la célébration de la journée internationale dédiée à l'enseignant. Sinon, poursuit-il, la vision du Burundi 2040-2060 sera un rêve à cause toujours, selon lui, de l'absence des cadres compétent. Le ministre de l'Éducation nationale, François Havyarimana, dit être au courant de ces réclamations des syndicats, d'où il a déjà mis sur pied une commission en charge de cette question afin de voir ce qu'il y a à rectifier. Il tranquillise même que des fonds destinés à l'aboutissement de la qualité de l'enseignement sont disponibles, une information que nous devons à notre confrère Apollinaire Muzagara. Dans son discours, Victor Ndabaniwe, président de la Confédération des syndicats des enseignants Kosesona, supplie le gouvernement burundais pour qu'il fasse des réformes profondes dans le secteur éducatif burundais et refaire même les programmes. Selon lui, les programmes actuels inadaptés et les réformes faites durant ces 10 dernières années, notamment la politique de réduction du taux de redoublement, l'avancement avec crédit à l'université, la suppression de la défense de travaux de fin d'études à l'université et autres, ont fait chuter sensiblement la qualité de l'éducation, d'où la nécessité des réformes profondes dans son secteur. François Havyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, dit être au courant de toutes ces doléances des syndicats, d'où il annonce avoir mis en place une commission ad hoc pour enquêter sur les programmes actuels, ceux de la sous-région et même internationaux, afin de réformer s'il y a à réforme. Il affirme même que la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation ont financé à hauteur d'environ 200 millions de dollars américains pour donner à son secteur éducatif ce qu'il faut donner en vue de l'obtention de cette qualité de l'éducation voulue. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Une insuffisance de médecins spécialistes de maladies des personnes âgées au Burundi est signalée par le supérieur général de la congrégation des frères Ben Yosef, qui prend en charge cette catégorie de personnes. Il demande que la loi relative aux droits des personnes âgées soit mise sur pied. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, dit que leurs doléances trouveront progressivement solution, étant donné que certains textes favorisant cette catégorie existent déjà. Le point avec Laurent Nicolio. Selon Siyaki Akizimana, supérieur général de la congrégation des frères Ben Yosef au Burundi qui s'occupe des personnes âgées, il remercie le gouvernement burundais pour l'étape franchie quant aux soins de santé des personnes âgées, surtout les retraités et les familles des personnes âgées qui sont soignées gratuitement. Mais Siyaki Akizimana, supérieur général de la congrégation des frères Ben Yosef, souligne que les personnes âgées ne sont pas représentées dans les associations qui travaillent dans ce domaine. Il souhaite que cette catégorie de population y soit intégrée pour donner leur idées. Il ajoute que le nombre de médecins spécialistes des maladies des personnes âgées est insuffisant au Burundi car il n'y a qu'un seul médecin. Il demande aux autorités habilitées d'envoyer d'autres médecins en formation relative à ce type de maladie. Siyaki Akizimana dit être satisfait par le fait que les moyens mis à la disposition des centres d'accueil des personnes âgées ont été augmentés. Il demande pourtant que la loi en cours d'étude relative aux personnes âgées puisse être achevée pour qu'après son adoption par les organes habilités et soit mise en application pour que les droits et la dignité des personnes âgées puissent aller de l'avant. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, indique que même si des défis existent pour cette catégorie de gens, ils trouveront progressivement solution car la volonté y est. Il souligne que différents textes régissant cette catégorie de personnes au Burundi ont été mis sur pied. Il cite la ratification par le Burundi de la charte africaine relative aux droits des personnes âgées, le code de protection sociale, le code du travail, le statut général des fonctionnaires et autres. Merci Laurent Ndikuriyo. Certains gens affirment être préoccupés par une alimentation équilibrée pour se prévenir contre le diabète. Docteur Raissa Kaneza, diabétologue, indique que les gens devraient limiter la consommation des produits sucrés et par assiette mettre la moitié des légumes. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles indique que le ministère envisage bientôt entamer l'enquête recommandée par l'OMS pour estimer les principaux facteurs de risque du diabète et les personnes déjà atteintes de cette maladie. Ornella Mucho. Le diabète survient lorsque l'insuline n'est pas produite, ne fonctionne pas correctement, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang suite aux différents facteurs comme manger régulièrement, une alimentation déséquilibrée. Certains jeunes âgés entre 37 et 45 ans et pesant entre 73 et 117 kg, affirme consommer une quantité importante d'alcool sans se soucier de déséquilibre glycémique. Ils affirment également qu'ils n'ont jamais été dépistés de diabète. Jusqu'à présent, je n'ai pas de diabète. Je ne fais rien de spécial pour se prévenir contre le diabète. C'est vrai, je privilégie beaucoup les légumes. Sinon, je mange d'autres plats variés, dont le riz et le haricot. À propos de l'alcool, je peux boire 3 bouteilles par jour. S'il s'agit de manger, je mange ce que j'ai. Et pour résumer cette question de la maladie, j'y pense quand j'ai la santé qui ne va pas bien. Et sinon, en temps normal, la question de diabète ne me vient jamais à la tête. Dr Raissa Kaneza, diabétologue, indique que le surpoids et une alimentation déséquilibrée sont des facteurs favorisant le diabète. Il ajoute qu'avant, les personnes âgées de 45 ans étaient plus à risque d'être atteintes de diabète, mais que les études ont montré que même les enfants de 3 ans ou les jeunes âgés de 35 ans et plus peuvent développer le diabète. Selon elle, un changement de mode de vie peut prévenir le diabète. Avant, on disait à partir de 40 ans. Les gens, ils sont, si on parle d'âge. Mais là, il y a certaines sociétés scientifiques qui ont remarqué en fait que le diabète, il est en train de survenir un peu plus tôt. Par exemple, les Anglais, ils se sont positionnés à dépister le diabète et le pré-diabète à partir de 35 ans. Il faut manger correctement, équilibré. Il faut éviter le tabac. Il faut consommer alcool de manière modérée. Il faut être physiquement actif à raison de 30 minutes 5 fois par semaine. Ça veut dire 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Et il faut aussi se reposer correctement. Donc, entre 7h et 9h par jour. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, Dr Jean de Dieu Abdelmana, indique que même si les études ne sont pas encore faites au Burundi, le nombre de personnes atteintes de diabète a visiblement augmenté. Il fait savoir que plusieurs actions sont menées pour sensibiliser la population à adopter un mode de vie sain. Toutefois, il annonce que le ministère de la Santé est à la phase finale de la préparation d'une enquête STEPS recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé pour savoir les facteurs de risque de diabète au Burundi. À part certaines initiatives de campagne parcellaires au niveau des provinces, au niveau des travaux de recherche, au niveau des universités, on n'a pas de données chiffrées au niveau national. Le seul espoir que nous avons, c'est que nous sommes à la phase finale de la préparation d'une enquête STEPS qui est recommandée par l'OMS pour les pays membres de l'OMS et qui est une enquête qui est faite pour savoir quels sont les facteurs de risque prédominants pour prédisposer la population à développer le diabète dans un pays et quelle est la prévalence des cas de diabète dans le pays X. Selon toujours les études faites, 600 millions et le nombre de personnes qui pourraient être atteintes de diabète dans le monde en 2045 et actuellement 537 millions ont déjà développé cette maladie chronique non transmissible, surtout dans les pays en voie de développement. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Albert Ndouayo a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza. Yeah.